ma tête, c'est le foutoir. J'ai trop de questions qui traînent, trop de projets qui s'entassent. Des gens que je délaisse à cause du temps qui passe. Tu sais comment c'est, bordel psychologique dans le caisson. Trop de questions sans réponse, attention. On sait ce que le futur nous réserve. Ce que je suis, c'est juste le reflet de mon passé. Les bons moments passés, les mauvais qui m'ont marqué. Tous les disques, les livres qui m'inspirent. Je suis même plus sûr de ce à quoi j'aspire. J'ai pas vraiment de but, donc les jours sont longs, j'avance sans conviction. Ces questions qui me hantent la tête, mais qui m'animent. Donc en fait, je les aime, je les aide. Dans la peau de façon, pourquoi y'a des jours, je suis mal dans ma peau. Pourquoi j'ai tendance à envier les autres. Pourquoi j'écris, pourquoi je m'attache à des gens qui en valent pas la peine. La liste est trop longue, tout comme la route de nos rêves. Peut-être que l'important n'est pas d'atteindre ses objectifs, mais tout faire pour trouver ce qui nous donne la foi de nous lever tous les jours. Trop de questions dans ma tête que je me pose, je suis paumé, il est grand temps que je fasse une pause. Trop de questions dans ma tête tournent en boucle, tourne en boucle. Les idées m'assomment, les yeux clos, mes interrogations résonnent. Trop de questions dans ma tête que je me pose, je suis paumé, il est grand temps que je fasse une pause. Trop de questions dans ma tête tournent en boucle, tourne en boucle. Trop de questions, tourne en boucle. Mec, c'est le bordel dans mon crâne, je suis perdu. Les questions fusent dans ma tête, mec, c'est hyper dur. On m'a parlé du manque de confiance en moi, quoi. Vous êtes sérieux, moi je vous le dis, ça vient pas de moi. Y'aurait pas tant de putes et tant de potes qui deviennent des salopes. Y'aurait pas tant de jours dans une vie qui te mettent des calottes. Je me poserai pas de questions et j'avancerai tranquillement. Mais l'entourage et la vie, c'est pas tout rose, malheureusement. Yeah. J'ai la tête comme un ballon, prête à exploser. En plus, ça me détruit, franchement, je suis blasé. Les interrogations, les souvenirs et les rêves s'entrechoquent dans mon casque. Je suis qu'un gosse de mon époque. J'analyse, du coup, je me paralyse. Et dans les bons moments où je dois profiter, je suis pas à l'aise comme. Pour mieux contrôler l'instant présent, faisant comme ça, je perds le contrôle de chaque instant. Ok. Trop de questions dans ma tête que je me pose, je suis paumé, il est grand temps que je fasse une pause. Trop de questions dans ma tête tournent en boucle, tourne en boucle. Les idées m'assomment, les yeux clos, mes interrogations résonnent. Trop de questions dans ma tête que je me pose, je suis paumé, il est grand temps que je fasse une pause. Trop de questions dans ma tête tournent en boucle, tourne en boucle. Trop de questions, tourne en boucle. Yeah. Vegas est script. Ok. Tourne en boucle. Trop de questions. Tourne en boucle. Trop de questions dans ma tête. Tourne en boucle. Trop de questions. Que je me pose. Trop de questions tournent en boucle. Je suis là posé, je me questionne. L'humeur est bizarre, le cœur de glace. J'ai l'impression que je stagne. La pluie coule sur la vitre, capuche sur la tête pour masquer les larmes sur les joues. Et c'est sans le vouloir que je passe mon temps à compter les jours, à me tourner les pouces, à pomper les joints. La route est longue, accroche-toi à tes rêves, sans brûler les ailes. Compte sur toi-même, fonce. Garde tes objectifs dans le viseur, le micro comme haut-parleur, la main mise sur tes ambitions. Trop de questions dans ma tête que je me pose, je suis paumé, il est grand temps que je fasse une pause. Trop de questions dans ma tête tournent en boucle, tourne en boucle. Les idées m'assomment, les yeux clos, mes interrogations résonnent. Trop de questions dans ma tête que je me pose, je suis paumé, il est grand temps que je fasse une pause. Trop de questions dans ma tête tournent en boucle, tourne en boucle. Trop de questions, tourne en boucle.